Chapitre 7e. Madame, dit-il d'une voix très rude à la figurante, je ne comprends rien à votre équipée. Je vous avais laissé à Paris dans une position avantageuse et... bien avantageuse, en effet. Interrompit Léocadie d'un ton naturellement aigri par les paroles de Démosthène. Dès le premier soir, une cabale a interrompu mes débuts, et pour vous suivre, pour payer ma place à la diligence, j'étais forcé de vendre mon mobilier. Quelle folie! Murmura Démosthène. Et maintenant, que voulez-vous? Qu'espérez-vous faire ici? Ne plus vous quitter, si vous me repoussez, faire une esclandre, vous afficher, faire connaître votre ingratitude à tout le pays. Et enfin, si vous me refusez votre appui, je débuterai pour gagner de quoi vivre sur le grand théâtre de la ville. Cette dernière menace épouvanta Démosthène. Il n'avait plus d'illusions sur le talent de la figurante, et il sentait que s'il paraissait sur la scène locale, elle serait indubitablement sifflée. Alors, comment aspirer désormais à la réputation d'homme irrésistible qu'il ambitionnait d'acquérir en arrivant en province? Vu et jugé par toute la ville, Léocadie devenait une héroïne impossible. Ce n'était plus qu'une grotesque dulcinée. Pour conjurer cette redoutable alternative, Démosthène se décida à filer doux. « Madame, lui dit-il, feignant d'être subitement attendri, je serais le plus ingrat des hommes si je n'étais profondément reconnaissant de la preuve d'amour que vous me donnez. » Mais cet amour me serait trop envié s'il venait à être connu. De grâce, Léocadie, consentez à mener ici une vie cachée. Je vous verrai souvent, je ne serai occupé que de vous, mais je veux qu'on nous ignore. La province n'a pas les mœurs de Paris, et votre arrivée, qui m'a déjà fortement compromis dans ma famille, pourrait me perdre tout à fait en public. Soyons heureux, mais sans bruit. » Tout en parlant ainsi, il prenait un air suppliant qui vainquit tout à fait la figurante. Ils arrivèrent à la ville, et après avoir installé Léocadie dans un fort modeste logement, Démosthène s'empressa de prendre congé d'elle.